Samedi 27 octobre, 20h, le multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini reçoit la visite du MGR Express de Jonquière au complexe sportif du secteur Dolbeau. Le coût d'admission, seulement 8 $. Venez voir du hockey de haut niveau, à faible coût, avec des joueurs d'ici. Go Multi Go! Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. On va parler avec notre ami Phil Desgagnés. Salut Phil. Bonjour Danny. Phil, Catherine Godreau, je ne sais pas si tu la connais, c'est une fille de la région qui fait de la radio à Mauricie. Je l'écoute tous les matins avec Michel Villeneuve. Et cette semaine, elle est arrivée avec un méchant bon point. Cette semaine, parce qu'elle est arrivée en disant à Michel Villeneuve, dans le cadre de la chronique à Michel, j'éprouve un malaise de voir Carey Price dans les mêmes avec les mêmes noms que Patrick Roy et Jacques Plante je suis porté d'accord avec. Oui, Price a gagné, je suis bien d'accord avec ça. Et à la fin de sa carrière, Price va être sûrement le meilleur gardien de but de l'histoire du Canadien en chiffres. Mais tu peux pas le mettre tu pourras pas le qualifier de meilleur gardien de but de l'histoire du Canadien. Peut-être pas nécessairement le meilleur, mais parmi les meilleurs, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Écoutez, il a gagné une médaille olympique. Il est parmi l'élite de la Ligue nationale. Il est reconnu par les joueurs également comme l'un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale. Faut pas oublier que Patrick, les bonnes années qu'il était avec le Canadien avait un très bon club de hockey. La même chose quand il est allé au Colorado. Le Colorado avait une bonne défensive. C'est pas le cas du Canadien depuis quelques années. Dites-moi, j'ai un grand défenseur que le Canadien a eu dans les dernières années. On n'en trouve pas. Tu sais, je veux dire, quand je regarde un peu la situation, là, même regardons cette année, Phil Markov, Phil-André Markov, pas loin du Hall of Fame, là, quand on regarde tout bon, ça. Oui, mais à part Markov, là, trouve-moi un très grand défenseur. Canadien, là, les bonnes années, là, ça avait toujours un trio de 2, 3, puis 4 bons défenseurs. Le Canadien avait quand même de bons attaquants. Depuis quelques années, le Canadien est un club qui a de la difficulté. Ils gagnent quand ils ont un bon système de jeu, bien organisé, avec une bonne performance de son gardien de but. Price, les bonnes années, et partout dans la Ligue, moi, là, on n'est peut-être pas les meilleurs experts au monde, Danny, mais quand les joueurs de toute la Ligue nationale le considèrent parmi les 2-3 meilleurs, ce sont les joueurs, là, les gars qui jouent dans la Ligue nationale et qui sont là et qui l'affrontent à tous les soirs. Moi, personnellement, je pense que Price fait un travail qui est colossal avec le Canadien. Oui, l'année passée connue, parce que là, quand on parle de ça actuellement, on se rappelle l'année dernière, sa mauvaise saison. Oui, il a connu une mauvaise saison. Il a été blessé dans les 2 dernières années également. Il n'a pas toujours eu nécessairement au sommet de sa forme. Mais je regarde en général la performance de Carey Price. L'année où le Canadien a terminé avec parmi les meilleurs, c'était Price qui était la grande vedette. Il était sur la première équipe d'étoiles. Donc, moi, personnellement, je pense que Price fait partie de l'élite et parmi les meilleurs gardiens qui a passé avec le Canadien de Montréal. Tu sais, Jacques Plante, oui. Rappelez-nous les bonnes années du Canadien avec le Big Three, là. Des gars comme Savard, Robinson, ces gars-là. On me dit que Dryden, c'est sûr que tu peux pas comparer, Phil, mais on me dit que Dryden, c'est un petit peu surévalué. Ben oui et non. C'est que Dryden, il était pas de ça. Moi, j'ai toujours dit quelque chose de Dryden. Ouais. Dryden, dans un match de 6-1, il pouvait donner 1 ou 2 mauvais buts. Dans une partie de 2-1, il donnait jamais de mauvais buts. Il était le gardien qui faisait les arrêts. C'est ça, le gardien de but, en réalité. C'est ça qu'un gardien de but... Patrick Roy disait la même chose de Patrick Roy. Oui, mais oui, je suis d'accord avec toi. Patrick, il était bon, Patrick, puis il a connu des bonnes années, puis deuxièmement, c'est parce que, dans le cas de Patrick Roy, c'est son côté flamboyant que les gens aimaient aussi. Le côté également arrogant, le côté qui avait pas peur de s'exprimer publiquement sur la façon que son club travaillait, qu'il n'y allait pas bien. Rappelons-nous des grandes confrontations contre les Nordiques de Québec. Daniel Bouchard l'avait provoqué, il avait rouspété, il avait donné des entrevues à la presse, il avait performé de façon tout à fait extraordinaire. On se rappelle des grands moments de Patrick Roy. Mais parce que là, au moment où tu parles de ça, Danny, là, c'est parce que l'année passée, Price a connu une saison horrible, faut le dire, là. mais l'année d'avant, il a été blessé une partie de l'année. L'année passée, la même chose. Il n'était pas au sommet. Et deux, l'année passée, le Canadien, quand il a fait la transaction, il a échangé Piqué Sauben. Écoute, chez Weber, il a quasiment pas joué depuis qu'il était gagné de Montréal. Presque régulièrement, toujours blessé. Et on n'a pas une grande défensive. Tu regardes cette année, tu regardes ça, puis tu dis, tabarnak, c'est qui le défenseur numéro un chez le Canadien qui est capable de tout contrôler? Mais Phil, c'est pas la première fois qu'on en parle de ça. Non. Je pense que ce sera pas la dernière non plus. Parce que quand je parle de Price, la controverse arrive, c'est pas long. Sans être anti-Price, il y a des Price qui sont, moi, qui trouve, je fais partie de cette catégorie-là, moi, je pense qu'il est surévalué un petit peu. Il n'a jamais rien gagné en série. Il était bon, mais il n'a jamais été très bon. Oui, mais quand l'équipe canadienne choisit ses meilleurs gardiens pour aller représenter le Canada, c'est qui était c'est-tu le meilleur gardien de but? Ça veut pas nécessairement dire que c'est le meilleur gardien de but. Habituellement, tu choisis quand même les bons, là, normalement, tu sais. Quand tu regardes ça, il y en a des très bons en Suède. Piqué René, au fil des années, c'était un très bon. Gabrovski en Russie, c'était un très bon gardien de but. C'est pas nécessairement dire que c'est le meilleur parce qu'il joue pour l'équipe Canada. Bref, là-dessus, on se remet d'accord, mais Phil, c'était quand même la beauté. C'est parce que ça fait toujours parler. Sauf que, on dit que Dryden, tu sais, c'est sûr qu'il va être des cinq meilleurs. À la fin de la journée, il va être des cinq meilleurs. Mais de là, on dit que ça va être le meilleur. Parce que. Moi, je parle pas de Dryden. Quand tu me fais des comparaisons, là, tu fais ça avec Jacques Plante, tu fais ça avec Patrick Roy, tu fais ça avec Carey Price. Parce que. Jacques Plante, c'est une autre époque. Il y avait six équipes aussi, là. Puis ça jouait comme un match. Mais quand je regarde un peu le cas de Carey Price. Tu vois? Price, c'est pas un gardien de but spectaculaire. Ouais. OK? C'est un gardien de but à angle, c'est un gardien de but très conservateur, toujours. Alors que Patrick Roy, c'était l'inverse. Patrick Roy était un gardien de but qui était spectaculaire, qui avait des arrêts clés, qui provoquait l'adversaire, la façon de se comporter. C'était le tempérament de Patrick Roy. Price est le gars low profile, qui aime pas ça donner trop d'entrevues, qui aime pas ça trop paraître sur la place publique. Mais il faut reconnaître que quand le Canadien gagne, que le Canadien va bien, c'est Price qui est vraiment devant le filet. Quand Price ne performe pas, le Canadien a de grandes difficultés, puis je pense qu'il faut être réaliste aussi, là, pour le regarder de ce côté-là. OK. Phil, deuxième point, je veux t'emmener, parce que ça, c'est un sujet que je voulais te parler la semaine passée, sauf que je l'ai oublié. On dit qu'il y aura des femmes arbitres au cours des prochaines années dans la Ligue nationale de hockey. Comment tu trouves ça? Moi, je suis 100% d'accord. Si elle est bonne, pourquoi pas? Écoute, si on est compétent, on sait pour le faire. J'ai pas de problème. Sauf que c'est toujours... comment je te dirais ça? Pour avoir arbitré pendant longtemps, dans le feu de l'action, il se passe beaucoup de choses, il se dit beaucoup de choses également. Mm. Comment les femmes vont être perçues par les joueurs de hockey dans ce milieu-là, j'ai hâte de voir. Parce que... Ça reste un milieu macho, Ça reste un milieu macho. Oui. Puis pas que ça non plus, là. C'est un métier difficile, arbitre, là. Ouais. Je regardais dernièrement, puis c'est un peu le sujet de ma chronique la semaine prochaine. On ne trouve pas d'arbitre actuellement. Mm. On a de la difficulté. Pourquoi? Parce que c'est un métier très ingrat. C'est un métier qui n'est pas revalorisé. Et je vais te donner un exemple. Quand est-ce que tu as entendu un instructeur de hockey ou de baseball dire « Très bonne performance de l'officiel ce soir. » Jamais. Jamais, jamais, jamais ils vont dire ça. Ils disent quand ils connaissent une performance ordinaire, la première porte de sortie pour l'équipe, pour sa contre-performance, souvent, ce sont les officiels. Je regarde le match du Canadien d'hier. On parle de quoi? Des punitions infligées aux joueurs du Canadien. Claude Julien dit, il y en a une qui est méritée, les deux autres n'ont pas mérité. Tu sais, c'est toujours la même question. Un joueur qui va... Il aurait gagné hier 4-3 en prolongation ou avec une minute à faire. Est-ce qu'il aurait parlé des punitions? Non. Là, le match a été coûté pour des punitions. Ben, il arrive quoi, tu penses, toi? C'est exactement ce que... ce matin, on parle de la performance des officiels. Moi, c'est pour ça que je te dis que c'est un métier extrêmement difficile. Puis, je dis pas que les femmes n'ont pas leur place. Je dis simplement que ça va prendre des gens qui ont un caractère, ou des filles qui ont un caractère fort, qui ont un caractère solide, parce que c'est un milieu très difficile, facile à la critique, et souvent, dans le feu de l'action, il se dit des choses. Moi, je le sais, écoute, j'ai arbitré pendant des années. On a eu des discussions avec... j'ai arbitré des années où des Michel Bergeron, Ron Lapointe, Orval Tessier, Ghislain Delage, les instructeurs n'étaient pas toujours très, très, très gentils avec les officiels, et ils se disaient des choses dans le feu de l'action. Après, c'est oublié. Moi, je me rappelle de Michel Bergeron. Durant la game, il tirait. Après la game, Phil, t'as-tu besoin d'un lunch? T'as-tu besoin de quelque chose? Peux-tu te donner quelque chose pour partir, retourner chez vous? Tu sais, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, tu sais, comme moi, dans la Ligue nationale, t'as un qui a demandé à Justin Saint-Pierre, écoute, c'est pas les hommes les plus populaires, c'est pas les gens les plus respectés. Ils ont un travail à faire, un travail qui est ingrat. Ben. Puis c'est le travail qui... Écoute, t'as donné un stage un soir, il y a 5000 personnes, tu vas adapter une punition. Il y a 3000 qui trouvent que tu as donné une bonne décision, il y a 2000 qui trouvent que tu as donné une très mauvaise décision. Donc, mais je pense qu'avant longtemps, il y aura des arbitres, effectivement, au baseball ou au basketball. Mais je pense qu'au basket, il y en a actuellement. Mais je suis pas sûr, là. Mais au hockey, mais encore là, mais là au hockey, c'est très... Des 4 sports, des 5 sports mais que je suis, moi, là. Ouais. Le hockey, c'est le pire. On a autant de la critique. Le baseball, c'est sûr que le baseball, on entend critiquer beaucoup Angel Martinez, c'est ainsi, là, l'arbitre. Mais football, moi, Danny, j'ai arbitré les deux. Arbitré au hockey, puis j'ai arbitré au baseball. Ouais. Le baseball est facile à arbitrer. Pour une raison, t'es jamais, dans 95% du cas, en action. T'es toujours stable. Ouais, mais je te dis que quand t'es derrière le mât, après le balle rapide... Alors au hockey, Danny, t'es en action. Il y a toujours quelque chose. Tu patines. T'es en action. Il y a un joueur qui peut passer devant toi. Tu peux manquer une infraction. Au baseball, là, la balle, là, est sur le marbre ou est à côté du marbre. Le but, sur les buts, t'arrives avant balle ou t'arrives après la balle. Tu sais, je veux dire, c'est plus facile de donner une décision. Et la preuve de ça, au baseball, malgré qu'ils ont des reprises maintenant, dans 95% des cas, les arbitres ont raison. Tu sais, alors qu'au hockey, toujours difficile de juger est-ce que c'était volontaire, est-ce que c'est dans un effort supplémentaire. Tu sais, y a-tu donné le coup de bâton sur les poignets ou il a donné ça sous l'avant-bras ou sur le guet? Tu sais, c'est toujours une question, toujours une question de jugement, mais surtout au niveau de l'action. Moi, c'est pour ça que je dis qu'au hockey, c'est le sport le plus difficile à arbitrer. Le basketball, c'est un peu comme ça aussi. Ouais. Basketball, là, t'es toujours en action. Ça court, ça bouge, mais ils sont trois arbitres sur le terrain. Au hockey, maintenant, on en a deux. Moi, dans mon temps, il n'y en avait qu'une. Mais encore là, c'est la rapidité. C'est 60 minutes de temps, l'arbitre, là. Il n'y a pas personne de le remplacer. Il patine up and down sans arrêt. Toute la rencontre. Phil, là-dessus, oui? Là, je suis pas d'accord avec toi, encore une fois, parce que je te dis que quand on a une balle à 100 000 à l'heure derrière le marbre, faut que tu ailles l'œil, là. Quand ta balle arrive à 100 000 à l'heure, là... Hey, moi, j'ai arbitré au baseball, puis je te le dis, là, Danny, c'est facile d'arbitrer au baseball. Oui, mais, une raison. Je suis d'accord avec toi sur les buts, mais derrière la marre, ça te prend un œil en tabarouette. Non, pas du tout, parce que pour une raison, c'est que la balle, là, elle doit être à 90 000 $. Tu vois si elle s'en vient sur la marre ou pas. La preuve de ça, les frappeurs la voient, pourquoi que l'arbitre ne la verrait pas? Tu sais, je veux dire... Mais deuxièmement, c'est qu'au baseball, quand tu regardes un peu la situation, il y a un petit carré... Puis quand des arbitres derrière le marbre, m'a dit que durant la partie, ils se trompent pas souvent. Pourquoi? Parce qu'ils savent un peu que ils peuvent se tromper de temps à autre quand, comme un frappeur peut se tromper quand il y a une balle tombante vraiment, vraiment différente. Mais à part de ça, là, il n'y a pas beaucoup de critiques au baseball sur les décisions officielles derrière le marbre. Souvent, pour avoir écouté beaucoup de baseball, ce qu'on demande à l'arbitre, c'est ta zone des prises durant le match, il faut qu'elle soit constante. Oui. Exact. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est ça qu'il faut qu'il soit. Exemple, il y en a des arbitres. À change durant le match. C'est ça qu'on. Non, mais pas nécessairement. C'est que, je sais qu'à un certain moment, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais à un certain moment, dans la Ligue américaine, puis les balles, au niveau des genoux, on les appelait toutes, très peu au niveau des épaules. La Ligue nationale, c'est à l'inverse. Au niveau des genoux, on appelait ça des balles. Au niveau des épaules, on appelait ça des prises. Mais maintenant, avec la fusion des deux ligues, les arbitres qui se promènent autant dans la ligne américaine que dans la ligne nationale, ils ont un peu ajusté leur zone de prise. Mais quand un arbitre est constant, tout le monde le savent. Moi, je vais donner un exemple. J'ai arbitré au hockey et tout le monde savait que moi, j'étais un arbitre qui était cool, qui laissait aller le jeu et que j'appelais des punitions seulement quand c'était majeur. Il y en a d'autres arbitres, eux autres, ils appellent toute petite infraction. Puis moi, je disais toujours, non, laissez les joueurs jouer. Mais il y en a d'autres, c'était pas ça. Il y avait une infraction, ils appelaient. Mais les joueurs, dans l'ensemble, savaient que Phil Desgagnés était comme ça. Il y avait un autre arbitre qui était Jean-Yves Godreau ou un autre arbitre, John Covington, avec qui j'arbitrais. Il appelait de façon différente. Mais les joueurs, ils s'ajustent, puis ils le savent à ce moment-là. Mais Phil, tandis que les autres sports, que je suis le football, jamais que tu entends parler de l'arbitre. C'est rare que l'arbitre fait passer la controverse. Ouais, le soccer. C'est une culture. Ouais, le soccer. Mais au football, ils sont quoi? 5-6 arbitres. Ouais. 5-6 arbitres sur le terrain. Ouais, ouais. Tu sais, alors qu'au hockey, là, maintenant, il y en a 2, mais avant, il n'y en avait qu'un. C'est toujours. Mais encore là, au football, quand tu regardes les reprises, moi, je trouve que régulièrement, les arbitres, des fois, ils se trompent, mais ils sont bien placés, là. Mm. Ils sont quand même 5, répartis sur le terrain. Il y en a qui s'occupent des choses à l'attaque, d'autres s'occupent de la défensive, d'autres s'occupent de la ligne de mêlée. Donc, il y a quand même une facilité que les arbitres au hockey n'ont peut-être pas. Même chose au baseball. Au baseball, quand moi, je vais régulièrement au baseball junior aussi, tu as un ou deux arbitres. Il arrive des mauvais calls sur les buts. Pourquoi? Parce qu'ils sont deux. Au baseball majeur, il y en a un à chaque but. Donc, c'est le même phénomène, ils n'ont pas le même problème également. Oui, effectivement. Phil, très intéressant. Et dernier point, je veux te parler de Charles Hudon. Qu'est-ce que Charles Hudon fait pas que nous chauffait? Ben, je vais te dire quelque chose. Dans le cas de Charles Hudon, à mon avis, là, puis je suis pas un devin, le Canadien va faire jouer Charles Hudon quand il va être capable de jouer sur les 3 premiers trios. Sur le 4e trio, Charles Hudon n'a pas d'affaire là. 4e trio, c'est un trio de Grander, un gars qui, des mises en échec, qui vont jouer contre le trio adverse qui marque en attaque, qui va frapper tout le monde, qui vont déranger la concentration des autres, alors que Hudon, son talent est en attaque. Et si Hudon n'a pas de place sur les 3 premiers trios, je suis pas surpris qu'on le coupe, qu'on ne fasse pas jouer le 4e. Je dis pas qu'il... Moi, je suis convaincu qu'il est meilleur que Delaurier, là. Il y a aucun doute là-dessus. Mais Delaurier, là, il est physique. Il va à la guerre, il va frapper les joueurs, il va déranger l'adversaire. Hudon ne fait pas ce même genre de travail parce qu'il n'y a pas le physique de l'emploi pour faire ça. Mais Phil, ça va pas briser un peu ce que la philosophie de Bergevin et Julien en début de saison. Rappelle-toi que Carl Lassner et Thomas Plekanec ont été laissés de côté, puis c'est les jeunes qui ont pris relève. Le monde applaudissait. Oui, mais il y a une chose. Dans le cas d'Lassner, admet qu'il joue très mal en passant. Et Plekanec est en fin de carrière, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, Plekanec, là, il sait qu'avec le Canadien, il a un rôle de 4e ou 5e joueur de centre. Il sait qu'il va être là quand ils vont avoir besoin de dépanner ou dans des matchs où ils disent on a besoin de ce genre de joueur-là pour la situation. Mais dans le cas de Hudon, c'est un joueur qui, à mon avis, a une dimension attaquant. Il faut qu'il joue ses 3 premiers trios. Pour lui, le 4e trio, c'est pas sa place. Donc, quand il joue pas ses 3 premiers trios, malheureusement, il va être retiré de l'alignement. Mais quand il... Parce que sur le 4e trio, regarde qui sont là. Shaw, c'est un joueur, Pekka, la même chose pour Delaurier. C'est des joueurs de longue bande, des joueurs qui frappent, qui dérangent l'adversaire, qui vont être plus physiques. Hudon n'est pas ce genre de joueur-là. Hudon, c'est un joueur d'attaque qui doit marquer des points, qui doit marquer des buts. Et à mon avis, il doit jouer sur les 3 premiers trios. Ouais. Phil, on s'en parle trop intéressant quand on parle de Carey Price. Merci. Salut, merci. Salut. Phil est gagné.